Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. A-t-on réellement cru, et qui l'aurait cru, que Savinien de Cyrano de Bergerac était allé dans la Lune ? Pour avoir écrit l'histoire comique des États et empires de la Lune, il fallait bien s'y rendre, non ? Être d'une certaine manière un magicien. Un magicien qui se serait posé, oui, sur la Lune pour assister au sabbat. Et ensuite, de la Lune au Soleil, il n'y a pas si loin, pour faire paraître l'histoire comique des États et empires du Soleil, même question. Oui, a-t-on réellement cru que Cyrano de Bergerac était un magicien, un impie bon pour le fagot ? Et, question annexe, qui était Guillemette la Charnue ? Le roman de la science, hommage à un astronome du XVIIe siècle par Jean-Luc, première diffusion sur la chaîne parisienne le 5 juin 1952. La radiodiffusion française présente Le roman de la science, une émission de Jean-Luc réalisée avec le concours de Pierre Billard. Aujourd'hui, hommage à un astronaute du XVIIe siècle, évocation du voyage dans les états de la Lune et du Soleil de Savinien Cyrano de Bergerac, interprété par Jean Bollot, Pierre Delbon, Pierre Peloux, Albert Gercourt, Martine Audrin, René Dency et Solange Certain. Bruitage, Gabriel de Rivage. Dans une série d'émissions mi-romanesques, mi-scientifiques, consacrées à la découverte des autres planètes et fatalement du même coup, au thème de la pluralité des mondes habités, j'ai pensé qu'il était décent d'intercaler un hommage à Savinien Cyrano de Bergerac. Bergerac près de Chevreuse, rappelons-le à ceux qui ne connaîtraient de notre héros que la pièce qu'il a inspirée à Edmond Rostand. Nous reprendrons jeudi prochain le cours de nos entretiens scientifiques en posant à d'éminents biologistes la fameuse question « Croyez-vous à l'existence de la vie ?» en dehors de la Terre, mais cette semaine, si vous voulez bien, nous nous contenterons d'évoquer, en respectant scrupuleusement, j'y insiste, l'incroyable audace intellectuelle de Cyrano, le singulier rêveur français de la première moitié du XVIIe siècle, l'essayiste génial et encore méconnu, qui a été l'un des premiers à s'évader par la pensée de notre petite planète et à concevoir l'univers, la vie à travers l'univers, la place de l'homme dans l'univers, en fonction des notions fondamentales de la science moderne. Nous sommes en 1650, aux environs de Toulouse, chez un certain monsieur de Collignac. Il importe de préciser d'ailleurs que ce monsieur de Collignac, avant de se retirer sur ses terres, a brillamment servi dans les gardes nobles, sous les ordres du fameux capitaine Carbon de Casteljaloux. Ce point d'histoire évoqué, il nous suffira d'ajouter que le maître de Séan est en train de bousculer un laquais. Que dis-tu, Marot ? Ce gentilhomme qui vient d'arriver n'a pas voulu te donner son nom pour que tu me l'annonçasses. Il veut me faire une surprise de son abord. Et Calidis, ce sont d'étranges manières. Mais la mine de ce gentilhomme, me dis-tu, est aussi étrange que ses façons. Il est coiffé d'un vieux vigogne dont le plumet cache assez mal les trous. Une rapière de bretteur bat ses mollets de coq. Son visage montre autant de balafres que son mauvais pourpoint de reprise. Son nez est pareil au bec de ces babillards jaunes et verts qu'on apporte de l'Amérique. Ce nez formidable est rendu plus formidable encore par 3 ou 4 taillades. Mais, Dieu biban, à ce nez, j'aurais dû deviner l'homme aussitôt. C'est le plus parisien des cadets de Gascogne. Mon second en temps de rencontre, mon frère d'armes, le héros de Mouzon et d'Arras, l'intrépide. Et oui, c'est moi. Oh, Cassonou, Colignac. Ah, dans mes bras, Cyrano. J'y vole. Mon cher. Ah, si je m'attendais. Je me baillis de te voir comme si tu tombais de la lune. Tu ne crois pas si bien dit. Hein? Hein, quoi? Qu'est-ce que tu me chantes? J'arrive en effet des états et empires de la lune. Mais voyons, Cyrano, cela n'a pas le sens commun. Il est vrai qu'il n'y a que mon esprit seul à voyager dans l'autre monde. Dans l'autre monde? Mais oui, mon cher, je suis persuadé que la lune est un monde comme celui-ci à qui le nôtre sert de lune. Ouh, mais c'est une folie! Pythagore, Épicure, Démocrite autrefois, et de notre âge, Copernic et Kepler ont soutenu très sérieusement cette vision-là. Et c'est le sentiment de ces grands hommes qui m'a déterminé à entreprendre le voyage. Ah, cesse, je t'en prie, de te moquer d'un vieux camarade. Disons tout platement que la fantaisie m'a chatouillé de composer une sorte de roman sur cette chimère, que j'estimais pour ma part fort raisonnable. As-tu trouvé un imprimeur? N'ai pas eu le temps d'en chercher un, Colignac. À peine avais-je fini d'écrire que mes amis faisaient circuler sous le manteau des copies de mon ouvrage. Et à peine ces imprudentes copies avaient-elles commencé à divertir les honnêtes gens, que déjà les dévots s'alarmaient. Tu dois avoir mêlé les épices de ton impertinente philosophie au burlesque de ton roman. Il paraît que j'ai eu grand tort de me ranger à l'opinion suivant laquelle c'est notre globe qui tourne d'Orient en Occident, alentour du soleil, et non pas le soleil autour de notre terre. Oh, téméraire Cyrano, mais il fallait te remémorer ce qui est arrivé à l'Italien Galiléo. Mais ce n'est pas tout. Comment Il semble que les discours que j'ai prêtés à mes lunaires touchant le ridicule de nos coutumes, voire celui de la superstition. De la superstition? Oh là là! Oui, il semble que ces discours aient embrasé mes ennemis de malrage. On a crié à l'esprit fort, au libertin, à l'impie. En un clin d'œil, on m'a jugé pendable. Que dis-je? Bon pour le fagot! Le fagot? Bref, ma plume m'a suscité des adversaires dont je ne pouvais espérer me débarrasser par l'épée. Et je te l'avoue, Colignac, ton intrépide Cyrano a pour une fois trouvé sage de battre en retraite, sans attendre l'heure de l'assaut. En portant pour tout bagage cette fiction de philosophe à laquelle j'ai la faiblesse de tenir, autant qu'à mon honneur de gentilhomme, je suis venu te demander asile. Le temps de me faire oublier un peu. Ah, je te comprends, ce n'est qu'une ruse de guerre. Ah, quoi qu'il en soit, je bénis ce voyage dans la lune qui me ramène un compagnon si précieux. Ah, je savais bien que tu m'accueillerais ainsi, Colignac. Colignac, sur mon cœur. Sur mon cœur, Cyrano. Et que me voulez-vous, monsieur le curé? Que puis-je pour votre service? Je suis venu vous voir pour que vous me tiriez d'un doute, mon fils. Ah, quel doute, mon père! Mais, à ne rien vous cacher, ce doute me tourmente fort cruellement. Me tourmente d'autant plus qu'il concerne le premier de mes paroissiens, vous-même, monsieur le comte. Moi? Vous. Ah, mais au fait, monsieur le curé, au fait! Eh bien, voici. Quoique j'en sois informé de bonne part, j'hésite encore à croire que vous retirez un sorcier dans votre château. Un sorcier? Oh, sans dire, nommez-le-moi, je vous le mets entre les mains. Mais il faut prendre garde que ce ne soit une calomnie. Je ne vous tiendrai pas davantage en suspens, mon fils. Le bruit court que ce monsieur de Bergerac qui loge chez vous depuis quelques mois... Cyrano? Cyrano est accusé de sorcellerie? On le désigne pour l'auteur de ces états et empires de la lune, qui émeuvent Toulouse après avoir ému Paris. Et quand cela serait? Oh, mon fils! Mais oui, quand cela serait? Oh, Jésus-Marie-Joseph, mais c'était donc vrai! Mais qu'est-ce qui était vrai? Oh, mais songez-y, monsieur le comte, le narrateur de ce voyage dans la lune est le plus grand magicien de l'Europe. Après ce qu'il avoue lui-même, il saurait le nier. Mais comment aurait-il pu monter dans la lune sans l'entremise du enfin, je préfère ne pas nommer la bête. Vous avez reçu comme argent comptant cette fable? Vous n'essayez pas de me donner le change, mon fils. Reconnaissez plutôt que ce magicien n'a pu se rendre dans la lune que pour y assister au sabbat. Oh, que c'est drôle! Soyez sérieux, mon fils. Nous savons que le sorcier est une personne que vous aimez. N'appréhendez rien. À votre considération, les choses iront à la douceur. Livrez-nous seulement le sorcier. Et pour l'amour de vous, nous engageons notre honneur de le faire brûler sans scandale. Oh, vous riez de bon cœur, Polignac. Morbleu, je veux rire aussi. Au nom de l'amitié, confiez-moi ce qui vous fait rire. Va des rétro-satanas. Qu'est-ce qu'il brûle, celui-là? Je ne saurais demeurer un instant de plus dans cette compagnie, monsieur le comte. Je me retire. Mais songez à ce que je vous ai dit. Ne nous contraignez pas, nous et ces messieurs du Parlement de Toulouse, à quelque grand éclat. Au revoir, monsieur le curé. Va des rétro. Mais qu'est-ce qu'il a avec ces va des rétro? Il me prend pour le diable? Non, mais presque. Il te prend pour un sorcier. Quoi? Oui. Il faut être sorcier, selon lui, pour avoir monté dans la lune comme il croit que tu l'as fait. Il veut te brûler. Tout simplement. On est donc aussi chrétiens à Toulouse qu'à Paris. Ah, hélas, je vais le conclure de cette ambassade. Uh-huh. Sais-tu, Savinien, qu'à la réflexion, je me reproche d'avoir ri. Et il a parlé de ces barbes du Parlement. Ces gens sont des stupides et capables de tout. Tu es en danger. Mais si j'étais en danger, tu risquerais de l'être aussi par ma faute. Et je ne me pardonnerais pas. Cyrano, tu me désobligerais également en regrettant de m'avoir demandé asile ou en envisageant de me quitter. Hein? Écoute, Non, je n'entendrai rien. Non, nous tiendrons tête à ces animaux-là. Sans dix, il ne sera pas dit qu'en l'an 1650... Geôlier de malheur! Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est vous, monseigneur! Ouais. Que voulez-vous, monseigneur? Je veux voir monsieur de Bergerac, Faquin! Le sorcier? Le prisonnier que monsieur le curé m'a fait enfermer ce matin dans la chambre du haut de la tour? Oh, oh! À votre place, je ne cherchais pas à le voir! Je me méfierais! C'est que c'est un brutal, monseigneur, que ce sorcier-là! Figurez-vous que ce malfaisant a étripaillé une dizaine de paysans qui voulaient le conduire à monsieur le curé pour l'exorciser! Et il a fallu pour en venir à bout que tout le village s'y mette, même les borgnes et les boiteux. Je veux voir monsieur de Bergerac parce que monsieur de Bergerac est mon ami. Ah ? Et je veux le voir sur le champ. Évidemment, d'un côté, si le sorcier est l'ami de monseigneur, mais d'un autre côté, monsieur le curé m'a sévèrement admonesté. En mon âme et conscience, j'hésite, monseigneur. Tiens ! Attrape cette bourse pour huiler le verrou de ton âme et conscience de geôlier. Et ouvre-moi celui-ci sur l'heure. Ah, c'est bien pour vous être agréable, monseigneur. Pensez, si monsieur le curé venait seulement à apprendre. Polignac. Oh, Cyrano, mais dans quel état? Non, assure-toi, cette racaille a fait plus de mal à mes habits qu'à ma personne. Les maroufles ont réfréné l'envie qu'ils avaient de m'assommer, de peur que je ne jette un sort sur leurs vaches ou nous leurs aiguillettes. Oh, mon pauvre Cyrano, mais je m'en veux mal de mort de t'avoir laissé sortir seul. Console-toi, Polignac. Cela devait t'arriver. Le destin grave tout sur des tables de cuivre. On ne déchire pas les feuillets d'un tel livre. Et tu trouves le courage de rimer, Savinien? Voudrais-tu que je pleurasse? Ah non. Mais dis-moi, comment allons-nous te sortir d'ici, hein? Nous sommes au sommet d'une tour, Savinien. Et fort élevé, qui pisait, à 50 pieds du sol. Ben, il faudrait s'envoler. Nous envolerons. Que dis-tu? Soudainement, à défaut d'elle, il me pousse une idée. Parle. Et si nous fabriquions... une machine volante véritable. Où? Mais ici. Ici? Parfaitement. Mais le geôlier... Nous le ferons notre complice, malgré lui. Par quel stratagème? Ne me tient-il pas pour un sorcier? Ah, certes. Alors? Eh bien, je ne comprends toujours pas ton dessein. Mais, Cadélis, tu ne peux concevoir sérieusement l'espérance de voler avec une machine. Pourquoi pas? La tête me tourbillonne. Laisse-moi faire. Appelle-moi ce geôlier de misère. Tout à l'heure? Mais oui. Mais quel diable d'homme! Ne suis-je pas un magicien? Enfin. Hola, geôlier! Et je le devine embusqué là derrière et l'oreille collée à la porte. Eh. Mm-hmm. Hola, Marot! Qui est-il pour votre service, monseigneur? Viens, séant! Je n'ose! Et il a grand peur de toi, Savinien. Écoute-moi, connard! Me crois-tu si piètre sorcier que je ne puisse te caresser les côtes à distance? Pour peu que la fantaisie m'en prenne? Pitié, pitié, monsieur le sorcier, je ne suis pas méchant homme! Je te commande donc de venir séant, sans qu'on doive te prier davantage! Oh! Par les cornes de Belzébuth, mon maître, il ne te sera fait aucun mal, bien au contraire! Allons, entre! Me voici, mes seigneurs. Allons, ferme cette porte et avance. Je veux bien, mais... promettez-moi, monsieur le sorcier, que vous ne tenterez point de vous évader par force. Mais au fait, Cyrano, si nous sautions sur ce trembleur... Jamais de la vie. Je n'accepterai pas que tu te lances dans cette aventure. Et d'ailleurs, mon plan est plus sûr pour nous deux. Me promettez-vous au moins d'être sage, monsieur le sorcier? Avance, imbécile! Décidément, tu es plus sot encore que je ne le pensais. Oh. Imagines-tu que j'aurais besoin de tes clés pour sortir à l'instant de cette prison? As-tu oublié que je suis allé dans la lune? Non, mais... Apprends, Bénitre, que mon imagination passe à tel point celle du vulgaire en chaleur que je puis à mon gré délier et subtiliser les atomes de mon corps, les façonner selon sans métamorphose, leur faire traverser les plus durs obstacles comme l'eau traverse un crible, ou mieux, comme le vent fait un feuillage, et les envoyer, si je veux, en un clin d'œil, à des milliers de lieues. Apprends que je pourrais me transformer devant toi en souris, en siron, ou encore en d'air. Oh, je vous en supplie. Ignores-tu l'empire de la fantaisie? N'iras-tu d'autre part que les êtres subtils, qu'on appelle tour à tour oracle, nymphe, génie, fée, dieu, foyer, lémure, larve, lamy, farfadé, naïade, incube, ombre, man, spectre, fantôme, et plus généralement esprit, et le pouvoir d'apparaître et de disparaître à leur guise? Mais oui, oui, vous vous êtes nonobstant laissé conduire ici, monsieur le sorcier. Par Méphistophélès, et que je l'ai bien voulu. Ah? Outre cette circonstance que je pouvais être assuré de ne pas être importuné par les badauds dans une prison, la situation de cette grosse tour m'a paru extrêmement favorable aux préparatifs d'une nouvelle expédition. Une nouvelle expédition? Oui, mais dans la République du Soleil, ce coup-ci. Dans le Soleil? Et je compte construire ici même, avec l'aide de mon ami Colignac, la machine qui m'y transportera. Et ne pouvez-vous y monter de vous-même et, comme vous dites, par le pouvoir de votre imagination sans pareil? Ma parole, Colignac! Ce porte-clés avait l'étoffe d'un grand disputeur en Sorbonne? Faudra-t-il te démasquer toutes mes batteries, Chicano? Eh, monsieur le sorcier, si vous souhaitez que je vous donne la main... Bon! Mais... tu nous jureras le secret. Les secrets bien gardés coûtent cher en ce pays. Bon, le drôle, si je ne me retenais pas... Retiens-toi, Colignac! Notre ami n'a fait qu'anticiper sur mon argumentation. Quoi? Si je t'ai bien compris, tu n'es pas un pur esprit, toi. La fortune t'intéresse. Qui ne désire devenir riche, monsieur le sorcier? Je ne suis pas pétri d'une autre farine que les autres. Parfait! Nous nous entendrons à merveille. Je te révélerai donc, mon père, que si j'ai besoin d'une machine pour me rendre dans le soleil, et surtout pour en revenir, c'est que je veux aller chercher des trésors. Lesquels trésors exigent un véhicule. Et vous partagerez avec moi? Parole de sorcier! Au demeurant, le partage ne m'appauvrira guère. Ah? Mais oui! Et la cause en est que par sa nature, ce grand corps du soleil, qui est 434 fois plus vaste que la Terre, n'est pas autre chose, dans tout son embonpoint, qu'un énorme trésor, offert au navigateur des cieux. Oh! Vous en êtes sûr, monsieur le sorcier? L'expérience de 3 ou 4 voyages que j'ai déjà fait sur le soleil... en esprit, m'a prouvé que j'avais raison, et que c'est un immense diamant qui étincelle de lui-même. Un immense diamant? Il n'y aurait qu'à se baisser pour en tailler un petit morceau. Même pas! Le soleil engendre tout naturellement des productions aussi précieuses que lui, et j'y ai vu, récemment, un arbre plus haut que les plus hauts cèdres, dont le tronc était d'or massif, les rameaux d'argent, les feuilles d'émeraude, les fruits de perles. En poids. Oh, sainte Vierge! Et quand sera-t-elle près de votre machine, monsieur le sorcier, pour nous aller quérir tout cela? Non, promptement! Il me suffira d'une grande caisse, bien close, à l'exception de 2 trous, percés l'un en face de l'autre, et d'une grosse lentille de verre, que je puisse assujettir commodément un peu au-dessus de l'un des trous. Et cette caisse vous emmènera jusqu'en haut des cieux? Le plus sûrement du monde! C'est le soleil lui-même qui se chargera de m'enlever. Le soleil ? Mais oui, mon ami ! La caisse étant placée sur le sommet de la tour, et de telle sorte que le trou garni d'une lentille se trouve exposé au soleil, les rayons concentrés par la lentille sur l'air contenu dans la machine chasseront cet air vers le haut. Et la nature qui abhorre le vide, ainsi que chacun sait, s'empressera de souffler par le trou d'en bas assez d'air pour remplacer celui qui aura été chassé. Je ne doute pas que s'établisse ainsi, grâce à l'action incessante du soleil, un ouragan d'une vitesse furieuse qui s'engouffrera dans ma caisse et le poussera jusqu'au port. Tu as compris, compère ? À peu près. Je me confie à votre industrie, monsieur le sorcier. Ça, c'est le meilleur parti que tu puisses adopter. Sur ce, et en attendant que tes poches s'emplissent à en crever des dépouilles du soleil, déguerpis. Je voudrais encore m'entretenir avec monsieur de Collignac de certaines particularités de ma machine que tu n'entendrais pas. Serviteur, monsieur le sorcier, et comptez sur ma discrétion. La paye assez bien pour qu'elle me soit toute acquise. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette mascarade, Savinien ? Où veux-tu en venir ? À ce point que dès demain, tu vas m'apporter cette caisse dont j'ai parlé. Pour quoi faire ? Pour monter dans le soleil ? Collignac. Oui. La caisse te servira tout simplement à dissimuler et à introduire dans cette prison, à la barbe d'un geôlier crédule, une autre machine. La vraie. Celle que j'emploierai pour m'évader. Ah, encore une machine ? J'ai simplement l'idée d'une sorte de grande robe dont je me pourrais revêtir pour sauter du haut de cette tour. Tu veux sauter, Savinien ? Si la robe est taillée comme je te dirai, le vent la gonflera par-dessous et me soutiendra doucement jusqu'à ce que j'aie mis pied à terre. Voilà bien de tes inventions. Ta robe pour parer les effets de la chute me semble une folie presque aussi grande que celle que tu as contée à ce maraud de geôlier. Non, je cacherai tout bonnement dans la caisse une grande corde pour descendre le long du mur. Oh, Collignac, tu ne croiras donc jamais à la magie naturelle. Tout est là. Voici la lime, voici la corde. Je t'attendrai au pied de la tour à la minuit. Je ne sais si je dois, Collignac. Que dis-tu ? Tu ne veux plus t'évader ? Le dois-je ? Tu le dois. Pour retomber tôt ou tard dans les raies de la superstition, entre les mains des cagots. Tu leur échapperas de rechef. Oh, je ne déjouerai pas la bêtise et la méchanceté des hommes. Elles m'engluront à la fin. Comme te voilà mélancolique, Cyrano. Que t'est-il arrivé ? Un songe m'a visité cette nuit, Collignac. Un songe ? J'ai rêvé que j'étais dans les états du soleil. Dans la république des oiseaux. Les oiseaux formaient une république ? Pourquoi n'en formerait-il pas une ? Étant du sentiment des pythagoriciens, qui respectaient toute vie sensitive à l'égal de celle de l'homme, je ne vois pas la raison pour laquelle il n'y aurait pas, sans que nous le sussions, autant de capacités politiques chez les oiseaux que chez les hommes. Peut-être davantage. Et pourquoi dans un autre monde les animaux, voire les plantes, n'auraient pas constitué des états aussi bien policés que les nôtres ? Tu rêves encore. Non. Mais je ne puis chasser ce rêve de ma mémoire. Je comparaissais devant un tribunal. Un tribunal d'oiseaux ? Oui. On m'avait niché sur la fourche d'un petit arbre, sans feuilles. Les oiseaux de longues robes, tant avocat que conseiller, s'étaient juchés tous par étage, chacun selon sa dignité, au coupeau d'un grand cèdre. Oui. À la cime, siégeait une colombe qui présidait la cour. À côté de moi, s'était perché mon avocat, Margot Lapie. Silence ! Voiselle l'oiseau ! La partie de ce criminel est une de nos sœurs nouvellement arrivées de la terre pour partager avec nous les joies de l'immortalité sur cet astre qui est le vrai refuge et foyer des êtres aériens. La demanderesse se nomme Guillemette Lacharnue, perdrix de son extraction. Orsa, approchez, Guillemette. Me voici. Juchez-vous sur cette branche au-dessous de moi et parlez sans crainte. Vous n'êtes plus sur la terre. Je parlerai. La cour vous écoute, Guillemette. Oiseaux, mes frères, il vous faut excuser de venir affliger vos yeux, mais je vous en prie, considérez ma gorge. Voyez la très horrifique blessure dont je suis encore toute défigurée. Apprenez, mes frères, que ma gorge fut ouverte ainsi d'une balle de plomb. Apprenez également que cette balle me fut tirée par un des congénères de l'animal que vous voyez ici piteusement assis sur son derrière. Et sachez enfin que le barbare traitement dont j'ai été la victime n'est qu'un exemple entre mille du sort que les hommes réservent à toutes les créatures vivantes qui ont eu le malheur de naître sur le même globe que... Oh mes frères, oh mes sœurs, ne serait-il pas juste que le genre humain fût puni de son orgueil et de sa cruauté en la personne de l'homme que sa présomption a jeté entre nos pattes? Silence! Justice! Justice! Mais enfin, Guillemette, vous n'avez point été maltraité par cet animal-ci en particulier. Certes. Alors, que lui reprochez-vous? Je lui reproche d'être homme. Bien parlé, Guillemette. Je proteste. C'est sur départir de toute impartialité que vous plaiderez plus tard, maître Margot. Pour ma part, je soutiens que le nœud de l'affaire consiste bien, comme l'a dit la demanderesse, à savoir si cet animal-ci mérite la mort. Pour cela seul qu'il est homme. Encore ce point devrait-il être prouvé d'abord? De grâce, maître Margot. Ne nous égarons pas dans le dédale de la procédure. Cependant, madame la présidente... Comment pourriez-vous songer un instant à contester que votre client soit homme? Regardez-le! Il est plumé comme un galeux, il rit comme un fou, il pleure comme un sot. De plus, il m'a été rapporté qu'il tombait sur ses gigots tous les matins pour bourdonner des paroles magiques à l'adresse d'un dieu qu'il a l'outrecuidance de croire à son service. Ce dernier trait devrait suffire. Et je n'ai pas tout dit, madame la présidente. Oh, de quelle noirceur voulez-vous nous charger encore? De la plus noire! Je veux témoigner que la folie des hommes s'étend jusqu'à se traiter entre eux aussi cruellement qu'ils traitent nos semblables, à s'asservir les uns les autres, à guerroyer sans cesse les uns contre les autres. En outre, je... Il suffit, Guillemette. Nous sommes éclairés. Nous retiendrons à l'encontre de l'homme son fol et barbare aveuglement. Et il me démange fort de prononcer une sentence de mort contre cet homme que voici. Nous plaiderons nonobstant. Plaidez, plaidez, mais soyez brève. Nous plaiderons que cet homme a toujours aimé les oiseaux. Qu'en savez-vous? Il vient de me le confier pendant votre discours, et ce, en termes fort pathétiques. Invention! Silence! Nous plaiderons qu'il a défendu une pie comme moi, faussement accusé de vol par un valet, et même rendu la liberté à un cacatois. Mensonge! Nous plaiderons qu'il a toujours professé des opinions fort éloignées de celles du commun. Mensonge! Mensonge! Nous plaiderons que cet homme-ci n'est pas un homme comme les autres. À mort! Et ton rêve s'est arrêté là? Oui. Le geôlier m'en a tiré en m'apportant ma pitance. Oh, cette pie avait raison. Tu n'es pas un homme comme les autres. Oh. Aussitôt faut-il évader, Savinien, ne fût-ce que pour nous conter par écrit ton voyage dans le soleil, comme tu l'as fait pour la lune. De geôlier, vas-tu m'éclairer sur la disparition de ce Cyrano? Aïe, aïe, aïe, pour l'amour de Dieu, ne me secouez pas comme ça, monsieur le curé, vous allez me faire tomber les oreilles. Parleras-tu? Et par tous les saints, monsieur le curé, que voulez-vous que je fasse contre un sorcier qui est allé dans la lune? Ben, ne va pas croire que je me contenterai des 100 nets que tu m'as débité, coquin. Je vais de ce pas chercher ces messieurs de Toulouse. Ils sauront bien te faire parler. Qu'il y aille! Il n'y a Dieu ni diable qui me ferait avouer mon intrigue avec monsieur de Collignac, et surtout mon pacte avec ce sorcier. Qui me prouve après tout qu'il n'est point en train de voyager en esprit, et qu'il ne va point redescendre pour faire l'essai de sa caisse, et aller chercher là-haut les trésors qu'il nous a promis? <t'en> La radiodiffusion française vous a présenté Le roman de la science, une émission de Jean-Luc, réalisée avec le concours de Pierre Billard. C'était aujourd'hui hommage à un astronaute du XVIIe siècle. Évocation du voyage dans les états de la Lune et du Soleil de Savinien Cyrano de Bergerac, interprété par Jean Bollot, Pierre Delbon, Pierre Peloux, Albert Gercourt, Martine Audrin, René Dency et Solange Certain. Bruitage, Gabriel de Rivage. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 5 juin 1952. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. All along the way, there were things to do. Always some other someone I could be. Other things to know, other ways to go. To fly a spirit for the stage to show. It wasn't always easy learning to be me. Sometimes my head and heart would disagree. Times I walked away, other times I'd stay to see the drama of my life play. Being me, I dared to be myself alone. Sometimes I loved the things they said. Some things were cold as stone. It was lonely. Sometimes it was lights were brilliant. Sometimes there was you. Being me, I laugh, seeing now and then. So many things have changed, and yet somehow there will always be a stage, a song for me. Hold the curtain open. It's time to take a